Dossier 8. Leçon 2. Activité 10. Tiens, Blanc comme neige. Je ne connais pas ce bouquin. C'est assez spécial. Tiens, lis cette page. La page 27, par exemple. Et tu comprendras. Laetitia Marchand. Oh, comme toi. Ce curieux grain de beauté qu'elle avait au coin des lèvres. De sa fenêtre, elle voyait passer les péniches qui descendaient le Rhône. Mais c'est vraiment toi. On parle de toi, là. Gagné. En fait, ce livre, c'est mon mari qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est le concept du livre personnalisé. Tu ne connais pas? Non. Explique-moi. Eh bien, Fabian s'est adressé à la maison d'édition Comédia, qui a inventé le roman assisté par ordinateur. Il propose différents styles de romans? Oui. On peut choisir entre une douzaine de scénarios et entre différents genres. Il y a le roman sentimental, le roman historique, le policier, ou bien encore le roman d'espionnage ou d'aventure. On demande de remplir un questionnaire très complet sur les caractères des personnages qu'on veut voir figurer dans le livre. Fabian, lui, avait choisi le roman policier. Et après, on attend longtemps avant d'avoir le livre? Pas du tout. Le livre est écrit et imprimé en 5 jours. Et on le reçoit par la poste. Mais c'est génial comme idée! Et voilà comment je me suis retrouvée sous les traits de la future victime d'un dangereux criminel. Et cet abominable personnage, c'était Fabian lui-même. Oh, mais ça me donne une idée de cadeau pour mon neveu Gaëtan. Je le verrai bien en héros d'un roman d'aventure. Oui, il va sûrement adorer. Tu regarderas sur leur site. Ils proposent aussi des trames de romans ou de nouvelles pour les adolescents et les enfants.